faudrait. Ça mélangé au mixeur pour la recette après. J'entends le feu qui crépite. Tout ça un bout de terre, un bout de terre. Et le feu qui crépite un bout de terre, un bout de terre. J'entends le feu qui crépite. Un bout de lune, un bout de ciel. Un bout de lune, un bout de ciel. Un bout de mer, un bout de terre. Tout ça dans le chaudron, dans la marmite. Tout ça pour avoir l'air d'avoir l'air d'avoir l'air d'avoir autre chose. Qui crépite et le feu qui crépite. Oh.